parle. Je cache avec mes décès depuis tu feras plus. Prends des photos de mon lobby pour l'instant, tu peux me faire dans le bus. J'suis plus faillant à force de la consomme tous les jours. J'ai des potes qui passent à la messe, toi tu fais le putain de fou. Hey, pan, hey, pan, hey, pan, dans les pans. Dans la soirée, Nina, t'es zizi, des melons, cabotrin. J'suis sur ma propre prod, je m'amuse beaucoup. Y'a la famille, va la graille un coup de coude. Coupé des calais comme Doug Saga, frérot, je suis le saga. Ça me rend en temps nouvelle quand sur tes oreilles y'a mon gage. Ils sont pas les phares, faire un autre place il fallait. Pour mon lobby des palaces, tout ça va la déballer. J'veux le bif depuis Didi, j'graille toujours après midi. J'veux me barre aux îles Fidji, j'y vais soon. J'ai mes billets, j'vois que tu louves, j'vois que tu chies vite. Moi j'ai le move, on te charcute. Grandi, je livre, chargé colis, casse en deux, comme une bavure, pas le temps, pour ces bêtises, plus le temps, pour ces bêtises qui tapinent, derrière vitrine, bing bing bao, j'ai un petit, je veux appart, des choristiques, quatre garages, avec aussi Maserati, pas de goofy, ou moustique, dans vis-à-vis, dans la nuit, croise-moi bourré, faut pas de folle, attends, ne souffle, je rate les sols comme trace pour coke, et veux ma coque, depuis que je rappe, je veux ma drogue et m'en échapper, je vais te charcler pour te pacter. Vêtu de gants, une écharpe, j'prends un glock et je le charge. Dans la cuisine, toujours du monde, la maisonnette est remplie. Là, comment vous pouvez nous faire la morale, mais ma parole, poésie Jim Carroll. On médite pas, je veux pas d'histoire. On mistake et tu prends un scar. Facilement, là je vais danser, tu me la raconter. Commence par passer sans regarder. Quand c'est l'heure, roule un gros tachi. Trop tard, on t'a ciblé, relavé au ciné. Comment t'expliques que j'ai le mojo, je suis dans le dojo. T'as vu, on a cru que c'était quelque chose, mais deux spies, un qui passe dans des costumes. Oh, lycée.